Chapitre 8e. Le comte entra avec le jeune docteur dans quelques détails sur l'état moral de sa fille. Pulchérie était une belle fleur ignorante qui ne savait rien de sa beauté. On avait cependant remarqué qu'elle n'était point indifférente à toute coquetterie. Ce sentiment est si naturel à la femme. Elle aimait à se regarder dans une glace lorsqu'elle avait des lilas sur la tête, des colliers au cou et des bracelets d'or au poignet. Mais c'était une joie fade et décolorée qui la quittait bien vite. Autour d'elle, les hommes, la nature, l'art, ne lui disaient absolument rien. Elle avait pour tout cela un seul caractère de tête et un seul regard. Sa mère s'imaginait être reconnue d'elle. Mais au fond, Pulchérie aimait autant Zizim, le chien de la maison. Une grande inégalité d'humeur la faisait passer sans raison du rire aux larmes. Ses tristesses et ses joies vagues suivaient des instincts connus. Il est possible que cette nature, si incomplète et si grossière qu'elle fût, eût ses lois. Mais la notion en échappait aux savants eux-mêmes. Comme un grand naturaliste a dit des monstres, après Montaigne, il est probable que les idiots et les fous n'existent pas à Dieu. Pulchérie n'avait pris de la vie que ce qu'en prennent les fleurs, la beauté et les larmes. Elle avait par moments la gaieté de l'oiseau qui chante sans savoir, et par d'autres instants, la douleur de la sensitive qui rentre en elle-même ses pétales craintifs ou affligés. Pulchérie était-elle heureuse de son état? L'on ne savait. Il est probable qu'elle se sentait peu vivre. Depuis le temps que Fritz la contemplait en silence, Pulchérie n'avait fait qu'un seul mouvement. Sa main distraite avait été chercher derrière sa tête le peigne d'écaille qui maintenait ses cheveux en un nœud puissant et magnifique. Un noir serpent roula alors sur ses épaules et sur sa robe blanche. Elle se mit à jouer avec ses cheveux dénoués et les éparpilla autour d'elle comme un voile. Fritz s'avança vers elle et prit les mains de Pulchérie entre les siennes. Elle se laissa faire. Aucune rougeur, aucun des signes non équivoques qui trahissent toujours, même chez les filles aliénées, la pudeur du sexe à la vue d'un jeune homme, ne se déclara sur cette figure éteinte. Georges souffla sur le front de son sujet. Plusieurs fois, ses doigts se promenèrent à distance sur les bras, les épaules et la poitrine pour y chasser du fluide. Un léger frémissement de cœur, à la vue de toutes ces formes magnifiques, faisait de temps en temps trembler la main du jeune docteur. Le magnétisme a son côté sacramentel qui consiste en passe, en regard, en souffle tiède et pénétrant. Ces signes sont les conducteurs de la volonté et servent à se mettre en rapport. Quoique les phénomènes de cette science rentrent pour la plupart dans une sphère très élevée de l'intelligence, ils sont néanmoins soumis à un mécanisme positif et tout matériel qui met l'âme en train d'agir. Georges Fritz avait affaire, dans cette première séance, à un instrument si grossier et si en désordre qu'il n'en put rien tirer de satisfaisant. On aurait dit un grand musicien, le soliste, par exemple, jouant contre un piano dont toutes les touches seraient muettes ou fausses. Il n'y avait pas de gamme possible. Il essaya de mettre quelque accord entre ces touches désorganisées, mais ce fut sans succès. Tout ce qu'il put observer, c'est que Pulchérie, aimantée en quelque sorte par son action, inclinait légèrement son corps vers le sien. Le magnétisme, ainsi réduit à une simple force matérielle, ne dépassait guère les lois de l'attraction dans le monde physique. Fritz ne put se défendre de songer qu'il y avait beaucoup de femmes qui sacrifieraient tout au monde pour avoir cette beauté et qui la feraient servir admirablement au bonheur de celui qu'elles aiment. Il se demanda en même temps quelle raison Dieu avait eue de la leur refuser pour la donner à cette pauvre créature inutile et vaine qui n'en faisait aucun usage. Ceci lui donna lieu d'espérer que la Providence viendrait au secours de la nature. La guérison de Pulchérie se présentait environnée d'obstacles. Il y avait presque de la témérité à tenter une cure où les plus habiles, M. Esquirol lui-même, avaient tous échoué. Mais Georges Fritz avait foi dans la magie de sa science, et cette foi le soutint au-dessus des difficultés, comme autrefois Saint-Pierre au-dessus des flots. Le jeune docteur regarda dans la main de Pulchérie, car il mêlait à son art un peu de chiromancie. Les lignes n'en étaient pas allées effacer comme des caractères d'imprimerie malvenus au tirage, ce qui marquait un grand signe d'imbécilité. La main est le satellite de la tête et le livre de l'intelligence. « Eh bien, » demanda M. de B. à la fin de la séance, « espérez-vous quelque chose ?»« Je continuerai, » répondit Fritz. « Quand reviendrez-vous, docteur ?»« Demain, monsieur le comte. » Fritz salua et sortit. Il ne dormit pas de la nuit. Pulchérie était belle et froide comme une galatée de marbre. Il pensa au moyen de lui communiquer la vie. Mais à force d'y songer, À force de faire passer cette jeune tête d'une blancheur d'albâtre devant les yeux de son âme, il eut le sort de Pygmalion et devint amoureux de sa statue. Mais quel est l'amoureux qui ne sculpte pas l'idéal comme Pygmalion ?